Bonjour, ici Martin Archambault de l'Association des véhicules électriques du Québec. Vous écoutez le podcast Auto avec Luc Desormeaux et ses collaborateurs. Bienvenue à cette nouvelle émission du Podcast Auto, émission du 8 septembre 2015. Luc Desormeaux au micro et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite émission spéciale, j'ai eu une entrevue avec Sabrina Giacomini, que vous connaissez peut-être anciennement du guide de l'auto, pour parler de Sync 3 et on parle aussi un peu d'autres systèmes d'infodivertissement qu'on retrouve dans les voitures. Donc, je vous laisse à cette petite entrevue. Alors aujourd'hui, j'ai comme invité Sabrina Giacomini. Salut Sabrina! Bonjour! Ça va bien? Ben oui, ça va très bien, toi? Ça va très bien. Sabrina, pour ceux qui la reconnaîtraient pas, moi j'ai connu Sabrina quand elle a fait un tour au guide de l'auto il y a quelques années. Il y a de cela fort longtemps. Ben pas si fort longtemps que ça quand même, parce que rendu à mon âge, fort longtemps, ça fait plus longtemps que ça. Mais non, je t'avais remarqué là, tu faisais, si je me rappelle bien, tu faisais des chroniques de choses techno pour eux autres, hein, oui, c'est ça? Exactement. J'avais vu, tu avais fait une chronique sur des applications Android, je pense, puis iPhone pour les voitures, des choses comme ça, puis tu étais là assez régulièrement. Oui, à toutes les semaines, en fait, à cette époque-là. Donc, c'est ça, fait que c'était là que je t'avais un peu vu, puis après ça, on s'est rencontré une couple de fois au salon de l'auto et tout ça. Puis là, ben, je t'avais dit un jour, si ça te tente de venir faire un tour sur le podcast, tu me feras signe, puis, ben, tu m'as fait. C'est ce que j'ai fait. Donc, c'est ça, fait que ce soir, tu vas venir nous parler de Sync 3, Sync qui est un produit Ford, qui est vraiment leur système de reconnaissance vocale, multimédia et tout ça. Toi, tu as essayé la nouvelle version qui est sur le point de sortir ou qui est déjà sortie sur certains produits. Donc, en fait, en ce moment, le Sync 3 est déjà disponible sur l'Escape et la Fiesta 2016. Le lancement officiel s'est effectué la semaine dernière, donc on a eu plus de détails seulement qu'à ce moment-là. Mais effectivement, moi, dans mon cas, j'ai pu l'essayer à bord du nouveau Escape 2016. OK. Puis c'est quoi? Moi, j'ai le Sync, je sais pas si c'est le Sync de première génération jusqu'en 2010. C'est pas si pire, ça fonctionne bien pour certaines choses, mais des fois, je m'ostine un peu que la madame a pas l'air à toujours à comprendre ce que je veux, puis tout ça. Des fois, ça a l'air d'une chicane de coupe, mon affaire, là. Ouais, c'est ça. Ben, écoute, t'es pas le seul dans ta situation. En fait, Sync existe chez Ford depuis 2007. Je sais pas pour toi, moi, en 2007, ma voiture, elle avait même pas de lecteur de cassette, là, ça te donne une idée. Fait que m'imaginer avoir un système d'infodivertissement, c'était de la fantaisie. Ouais. Les débuts du système ont été très prometteurs, mais ça s'est un peu compliqué par la suite. On a remarqué beaucoup de problèmes avec le système, tant sur la première et la deuxième génération. Malgré les mises à jour du manufacturier, ça a pas réglé évidemment tous les problèmes qui se sont présentés. Donc là, on arrive pour 2016 avec un tout nouveau système, une toute nouvelle plateforme, parce que il faut pas oublier que dans tout ça, Ford a décidé de laisser tomber Microsoft au profit de BlackBerry. Donc, on a une toute nouvelle plateforme complètement. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de l'essayer, comme j'ai dit, bon, dans l'Escape. Ce que ça représente, ben, premièrement, on oublie My Ford Touch. Okay. Ford a vraiment voulu faire comme une coupure. On oublie My Ford Touch, c'est des mauvais souvenirs. Là, c'est Sync 3. Ça ressemble à Mustang 2. Ça n'a jamais existé, on n'a pas entendu parler. C'est ça. Okay, ouais. My Ford Touch, c'était pas si pire que ça. C'est juste, c'était pour l'utilisateur averti. Il fallait que tu sois un petit peu enclin à être, tu sais, un peu technophile, là, pour te sentir confortable avec ça, parce que sinon c'était vraiment mélangeant, il y avait beaucoup de boutons, pas nécessairement bien expliqué. Puis moi, ce que j'ai toujours trouvé un peu inutile, c'est le fait de pouvoir changer ta température en le disant à l'auto. C'est tellement plus rapide de juste virer un petit bouton, là. On est d'accord. Parce Mais. que de toute façon, c'est l'instinct que tout le monde, que tous les gens ont. Ouais, c'est ça. Changer la température. Fait que on n'a pas l'instinct de dire au système baisse la température, monte la température. Donc, on est d'accord là-dessus. C'est comme être assis avec ta femme ou ton chum dans l'auto, puis la regarder, puis dire, tu baisserais ça la température? Oui, c'est ça, c'est ça. On a un intermédiaire C'est qui un bras, tu sais, vas-y, ajuste la fait. température. Non, je comprends. Mais à part de ça, c'est-tu mieux? Ils ont-tu réussi leur coup? Parce que My Fourth Touch, j'entendais souvent des chroniqueurs de longue date, là, des journalistes reconnus de longue date le détestaient, trouvaient ça compliqué au pas possible. Mais les blogueurs, les chroniqueurs un peu plus jeunes, peut-être, qui sont plus iPod, iPad, t'sais, Android, c'est tout ça, ces choses-là, étaient plus confortables avec ça. Ouais, ben c'est pas, dans un certain sens, c'est pas étonnant. La nouvelle génération de Sync, là, faudra voir, je crois, à l'usage, qu'est-ce que les anciens les anciens versus les nouveaux ont à dire là-dessus, parce que là, on est allé encore plus dans le concept du téléphone intelligent. Donc, on a une interface complètement changée, nouvelle, comme je l'ai précisé plus tôt, nouvelle plateforme BlackBerry. Nouvelle interface. Donc, on a vraiment les gros boutons à la façon téléphone intelligent. On a les fonctions de balayage et de pincement. Donc, supposons que tu es en train de naviguer, tu as besoin de faire un zoom sur ta carte. Tu as juste à faire comme tu le ferais sur ta tablette ou ton téléphone en utilisant tes doigts en pinçant. OK? Très minimaliste, très épuré. On était habitué aux couleurs sombres de l'ancien Sync. Là, c'est blanc, c'est clair, c'est très très épuré. Un très très gros focus aussi, on remarque, sur l'accès main libre. Donc, il y a une grosse amélioration au niveau de la reconnaissance vocale du système. Ce que je te confirme à l'usage, qui est tout à fait le cas. Évidemment, le système est compatible avec les principaux cellulaires. Donc, on parle, dans la plupart des cas, évidemment, Apple et Android. Il y a certains téléphones BlackBerry et Microsoft qui sont aussi compatibles avec le système. Il y a toute une liste sur le site de Ford, qui peut être trouvée, assez facilement. Évidemment, on a encore toujours une préférence pour le système Apple parce que avec Siri Eyes Free qui permet de contrôler, si tu veux, le téléphone à distance, ben, tu peux faire pareil avec le système et ça te donne accès à plus de fonctionnalités que si tu avais un Android. Ce que j'ai eu l'occasion d'essayer parce que moi, j'ai moi-même un téléphone Android. Donc, t'as iPhone te donne accès à plus de fonctions dans le fond du système. OK, fait qu'il est plus complet, c'est un iPhone, parce que tu peux contrôler plus de choses sur ton téléphone, tandis que BlackBerry, sur un Android, il y a des choses faudrait quand même que tu prennes le téléphone en main pour le faire à la place, j'imagine. Exactement. Puis ça, en fait, c'est tout simplement dû à Siri. Parce que Siri sur iPhone te permet de faire une panoplie de choses, que ce soit d'écrire des messages et tout. Il y a l'équivalent sur un téléphone Android qui est OK Google, sauf que le système communique pas avec Google. Ce qui veut dire que, dans le fond, tu as la fonctionnalité sur un téléphone Android pour, par exemple, rédiger des textos. Mais parce que Sync ne communique pas avec OK Google, ben à ce moment-là, on se retrouve. Bon, il peut lire tes messages textes si tu lui donnes accès à ton téléphone, mais tu pourras pas, par exemple, en rédiger, ce qui serait le cas avec un iPhone. Ouais, fait Par que exemple. l'iPhone, tu peux juste parler dans le système, puis il va rédiger ton message pour toi, puis Ah, c'est ça. l'envoyer. Écoute, les fonctionnalités pour l'iPhone, c'est la liste est très longue comparativement aux autres systèmes d'exploitation. Clairement. Et nouveauté aussi, c'est que maintenant le Sync peut avoir un accès Wi-Fi. Donc, par exemple, tu te stationnes chez toi et tu pourrais connecter ton véhicule à ton réseau Wi-Fi à la maison, ce qui va lui permettre de faire toutes les mises à jour, que ce soit au niveau des cartes, le trafic, les radios, les mises à jour de système et tout. Donc, il y a aussi ça là, qui est une nouveauté du Sync 3. À ne pas confondre avec le Wi-Fi intégré dans l'auto que GM propose. Là, tu parles juste, tu arrives dans ton stationnement, tu te connectes sur ton réseau de maison, puis là, tu peux faire tes mises à jour à partir de là. C'est ça, exactement. C'est un bon point que tu amènes, Nick, parce qu'effectivement, ce n'est pas un Wi-Fi que tu transportes avec toi, ce n'est pas un hotspot. C'est Donc, ça. la voiture ne va pas te donner accès à un Wi-Fi. En fait, ce que tu fais, c'est que tu donnes accès à la voiture à un réseau qui est déjà établi, ce qui permet à l'ordinateur de bord de faire ses mises à jour, mais c'est tout. Ça, puis tu peux aller chercher aussi, par exemple, des applications. si tu veux ajouter des applications sur ton Sync 3, mais on parle principalement des applications de navigation, de musique, ces choses-là. C'est-tu encore ouvert aux développeurs, comme Ford avait fait une grosse annonce il y a 2 ans, je pense, qui ouvrait ça aux développeurs, puis là, que les développeurs allaient pouvoir écrire des applications. Tu sais-tu si Sync 3 garde ce système d'applications-là développé par des tiers parties, puis non pas juste des applications de Ford, ou c'est juste des applications signées Ford et c'est tout? Ben, jusqu'à maintenant, les applications, parce que j'ai consulté un peu le menu des applications. Jusqu'à maintenant, parce que j'avais effectivement assisté à une conférence, je crois que c'était l'an dernier, concernant les nouvelles technologies de Ford. C'était assez complet, c'était très intéressant. Et il avait justement mentionné quelque chose à cet effet-là. De ce que j'ai pu remarquer pour l'instant, c'est que les applications qui sont disponibles, c'est des applications qui sont, on parle des applications de radio comme Spotify, si c'est une station de radio a une application en particulier pour avoir accès au poste. C'est plus ça en ce moment-là qu'on observe comme application disponible sur Sync 3. Okay. J'ai pas remarqué dans le menu des applications qui avaient été développées de façon indépendante pour l'instant. OK. Ils vont peut-être changer ça plus tard, là, mais ouais, peut-être qu'ils vont intégrer un coup que le système va être stable, peut-être. Là. Non seulement, mais c'est qu'en plus, en ce moment, c'est disponible seulement sur deux véhicules, deux modèles. Ouais. On peut peut-être s'imaginer qu'une fois que ça va s'appliquer à tout l'alignement, ben, qu'on va pouvoir, qu'ils vont peut-être ouvrir un peu les portes à ça, là. OK. Donc, plus de commandes vocales, puis... Oui, améliorer. Meilleure plus belle interface ou interface plus épurée, donc plus facile à utiliser pour monsieur et madame tout le monde et tout ça. C'est ça. Mais côté fonctionnement, je veux dire, est-ce que tu as aimé de la manière que le système s'utilise? Parce que c'est beau avoir un bel écran, mais tu sais, si tu veux passer d'une chose à l'autre, est-ce qu'il y a du lag? Est-ce que le système est rapide ou il y a un temps de réaction ou si. Ben, écoute, j'ai remarqué à l'utilisation. Premièrement, c'est sûr que j'avais passé l'été avec des modèles 2015 de Ford qui étaient équipés de l'ancienne génération de Sync. Fait que moi, je m'étais habituée à cette version-là. Donc, c'est sûr que là, il a fallu que je réapprenne un peu. Ils ont voulu concevoir une interface qui est plus instinctive, plus facile d'utilisation. Le seul cas où est-ce que tu aurais une adaptation à faire, c'est quand si tu es habitué à l'ancien système. Donc, okay. Ceci étant dit, par exemple, on apprend assez rapidement. C'est assez, si je peux utiliser l'expression française, straight to the point, c'est assez facile d'utilisation. Okay. Les fonctions sont bien identifiées. J'ai trouvé le système plus rapide en tout, à l'utilisation, que ce soit la recherche d'une adresse, que ce soit la navigation, ça s'effectuait, j'ai trouvé plus rapidement que l'ancienne génération qui était sur plateforme Microsoft. Par exemple, je vais être honnête avec toi. J'ai eu des petits problèmes, moi, avec Sync 3 pendant la semaine que j'ai passé avec le système. Donc, il m'est arrivé à une reprise que le système plante. Donc, tu es en train de rouler, tu as ton navigateur qui te donne tes directions et tout à coup, ben le système redémarre. Il plante, il a figé complètement. Okay. Puis il a tout simplement redémarré. Écran bleu de la mort. Rien, pas loin. On n'est pas loin. Ouais. Je te dirais que c'était la première fois que je voyais ça de ma vie, en toute honnêteté. Et en plus, le matin que j'ai ramené l'Escape chez Ford, la commande vocale ne fonctionnait plus. OK. Donc, en appuyant sur le bouton de commande vocale qui est situé au volant, qui donne habituellement accès à toutes les fonctionnalités, à toutes les commandes vocales, dans le fond, ben ce matin-là, ça ne fonctionnait plus. Ça m'est arrivé dans mon 2010 aussi. À un moment donné, la madame, elle voulait plus me parler. Je pensais que j'avais dit quelque chose de méchant le soir d'avant, quelque chose comme ça, puis elle voulait plus me parler. Ah, c'est ça. Puis il a fallu que je fasse un reset à travers les menus, puis tout ça, puis tout perdre, puis tout a recommencé à zéro. Ben, écoute, je me suis pas rendue là parce que je rendais le véhicule. Je les ai quand même informés que j'avais eu des problèmes. Je sais pas si en redémarrant le véhicule par la suite, tout simplement, ou si en faisant, comme tu as dit, un reset, je ne sais pas quelle étape ils ont dû prendre pour régler le problème. Mais bon, il a fallu que je me débrouille, sans. Puis on se rend vite compte qu'on devient dépendant de ces fonctions-là. Ouais, c'est vrai, hein? Quand tu peux faire quelque chose ou juste le fait à un moment donné que le Bluetooth fonctionne pas ou t'es pas capable de te connecter à un téléphone. Il y avait une auto de presse, j'avais un moment donné, j'étais pas capable de connecter mon BlackBerry après. Bon, c'est un BlackBerry, là, mais bon. J'étais pas capable de le connecter, puis là, c'était comme, ben, comment ça, je devrais être capable de le connecter, là, c'était pas un problème. C'est ça. Puis, mais non, j'étais pas capable. Fait que j'ai pas eu de Bluetooth pour la semaine parce que, puis là, ben, c'est comme, ben là, je peux pas vivre pas de Bluetooth, là, ça marche pas, là. Exactement. Ah, on s'habitue à ces petites choses-là, hein. Ouais. Ça, tu sais, c'est pas, ça paraît pas grand-chose. On trouve ça un peu superflu la première fois qu'on les utilise, la première fois qu'on les a. Puis après ça, on se rend compte rapidement que, ben, finalement, on en devient rapidement dépendant. Ouais, on est plus capable de s'en passer. C'est ça. Mais, bon, Sync 3, là, je veux pas être méchant ou dire des choses pas correctes, mais est-ce que avec l'arrivée de, t'as dû entendre parler de CarPlay puis Android Auto puis des choses comme ça, y a pas les compagnies, t'as pas l'impression que les compagnies perdent peut-être un peu leur temps à essayer de se faire un système propriétaire quand il y a quelque chose qui marche bien puis qui est développé puis qui a l'air à être bien intégré aux voitures comme ça? Ou si tu penses que c'est que chaque compagnie devrait avoir sa propre saveur, puis après ça, offrir CarPlay puis Android Auto à ceux qui le voudraient? Je crois, à mon avis, écoute, j'ai jamais eu l'occasion encore de faire le test de CarPlay, mais à mon avis, je pense que c'est légitime que les manufacturiers aient chacun leur propre système d'infodivertissement. À leur nom, parce que ça leur permet d'y mettre la touche qu'ils désirent, qu'ils souhaitent personnaliser et offrir à leurs clients. Ouais. En revanche, je pense qu'il y aurait un peu comme par exemple maintenant le Sync 3 qui se connecte avec Siri Eyes Free, ben je crois qu'on gagnerait peut-être à développer aussi les autres plateformes de téléphone intelligent. Donc à offrir le même genre de service qu'on a avec Apple auprès d'Android, auprès de BlackBerry, auprès des téléphones Microsoft. Ouais. Moi, je crois que c'est ça. Tu sais, je crois que chaque plateforme cellulaire devrait avoir son application, si tu veux. Là, un peu comme, par exemple, Underlink qui se connecte au téléphone via une app. Je suis d'avis que chaque provider, si je peux dire, chaque... Manufacturier manufacturier de téléphone offre une application qui permet, qui communique plus facilement, si tu veux, avec les ordinateurs de bord des manufacturiers. Je crois que ça pourrait être ça la meilleure solution parce que ça permet justement aux manufacturiers automobiles de garder leur touche personnalisée dans leur ordinateur de bord, mais de communiquer super facilement avec les différents cellulaires qui sont sur le marché parce que Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Non, ouais, c'est ça. Ouais, mais t'as quand même juste quatre plateformes. Ben, OK. Deux plateformes majeures puis deux qui essaient de prendre leur place, là. Mais par exemple, Sync 3 va se connecter avec seulement certains cellulaires, par exemple, de Nokia ou de LG ou de. Tu sais, dès qu'on sort d'Apple puis d'Android, là, ça vient un peu plus. Ça devient un peu plus mélangeant. Il faut aller voir la liste des téléphones avec lesquels le système peut se connecter. OK, mais j'imagine, peu importe ton cellulaire, là, tu peux avoir un vieux flip qui aurait du Bluetooth, mettons. Il pourrait se connecter après le système pour faire des appels main libre, mais ça s'arrêterait là, c'est oui, ça? Oui, c'est toujours Bluetooth, évidemment, là, okay. la connectivité. Fait que, écoute, j'ai pas eu de téléphone à flip depuis des années. Donc... Moi non plus, c'était juste un exemple. Donc, j'ai pas fait le test, mais j'aurais tendance à croire que oui, parce que si ton flip a le Bluetooth, il pourrait avoir accès à Sync, mais évidemment, tout ce qui est application, ben là, on devient plus limité. Là. Ouais, on oublie ça. Là. Mais c'était pareil dans le temps du Sync. En tout cas, le Sync que j'ai sur mon Escape, quand je l'ai eu, j'étais allé voir sur le site de Microsoft, sur le site de Ford, il y avait une liste de téléphones, puis là, t'avais des or, des argent, des bronzes, c'était classé par couleur, puis là, okay. Le téléphone or faisait tout, le téléphone argent faisait presque tout. Ils avaient des médailles. Ouais, c'est ça. Puis le téléphone bronze, ben, faisait pas tout. Ah, ben, c'est un peu encore le même principe. Là, c'est sûr que la variété de cellulaires avec laquelle le Sync 3 communique est beaucoup plus variée, beaucoup plus ouverte. Mais bon, on a encore une liste. C'est plus, y a toujours pas une garantie que ça soit fonctionnel avec 100% des téléphones à 100%. Fait que comparativement, si on compare ça à d'autres systèmes que tu as essayé sur le marché, le 5-3 se classerait bien, moins bien, ou c'est-tu à ton avis un des meilleurs, c'est-tu milieu de gamme, ou on a encore beaucoup de travail à faire? Écoute, j'ai eu l'occasion d'en essayer plusieurs, que ce soit HondaLink, que ce soit le système Hyundai, que ce soit chez Jaguar, que ce soit chez Land Rover. Je te dirais que c'est probablement celui qui est le plus user-friendly, si je peux dire. Convivial. Oui, exactement. Okay. Celui qui est le plus facile d'utilisation. Okay. Il est efficace parce qu'en bout de ligne, la majorité des systèmes d'infodivertissement offrent sensiblement les mêmes possibilités. Mais je te dirais que la commande, je le dis encore, là, mais la commande vocale s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup améliorée. Et encore une fois, ben, ça revient à dire l'interface, les fonctionnalités. J'ai trouvé que c'est facile d'accès, c'est facile à naviguer. L'interface est agréable. Tu as accès à tout en tout temps. Par exemple, ce matin, j'ai essayé le nouveau, j'ai eu l'occasion de conduire le nouveau HR-V qui est équipé du système HondaLink. Puis, c'est beau, là. Il est beau, le système, sauf que, tu sais, par exemple, c'est aussi niaiseux que de dire qu'il faut toujours que tu retournes à ton menu principal et que là, tu choisisses navigation ou audio. Là, ça t'amène à la page principale du menu que tu as choisi. Puis, t'as toujours des étapes à répéter. Tandis qu'avec Four, par exemple, tu as toujours une barre dans le bas qui te donne accès à tout. Fait que tu peux passer d'un menu à l'autre facilement sans devoir passer par la page d'accueil, si tu veux. Ouais. HondaLink, c'est un de ceux que je trouve difficile à travailler. Oui. C'est pas un de mes préférés. Puis je pense Honda va rendre disponible CarPlay puis Android Auto dans leur voiture. Je sais pas si c'est déjà fait ou probablement dans certains modèles. J'ai l'impression que c'est une des compagnies qui va gagner beaucoup à avoir ces systèmes-là intégrés. Oui. On est d'accord parce que j'ai entendu beaucoup de commentaires à ce sujet-là, entre autres la compatibilité déficiente avec Android, entre autres. Mm-hmm. Parce que je crois qu'en 2015, il n'y a plus d'excuses qu'un ordinateur de bord de véhicule ne soit pas compatible avec Android, ou à tout le moins, parce que la quantité de téléphones Android qu'il y a sur le marché, c'est plus justifiable que ça soit seulement du Apple là, qui gagne la mise à tous les coups. Ouais, c'est ça, mais Apple, c'est la compagnie hot, c'est la compagnie qu'il faut absolument qu'elle soit compatible. Évidemment, oui, on est d'accord, mais Android aussi maintenant, à mon avis. Oui, c'est sûr, ils sont en train de reprendre beaucoup. C'est ça. Puis comme tu dis, je crois que HondaLink va gagner beaucoup, beaucoup de données, d'avoir cette compatibilité-là avec l'application, parce que pour l'avoir utilisé ce matin, c'était correct, l'interface est agréable, mais j'ai trouvé ça un peu moins facile à naviguer, surtout quand tu conduis. Bon, oui, c'est ça. Surtout, faut que tu gardes les yeux sur la route. Puis, c'est ça. Des fois, si tu dis, ça serait moins de trouble d'avoir mon téléphone dans mes mains puis de faire mes commandes de là que d'utiliser le système qui... Pas loin, mais tu sais, ne serait-ce que changer un poste de radio, t'as des étapes à suivre. C'est pas que tu pèses sur ton bouton audio ou quoi que ce soit, fallait vraiment peser sur le menu, ouvrir la page d'accueil. C'était vraiment, j'avais des étapes à suivre là, pour pouvoir réussir à obtenir ce que je voulais. Là. Ouais. Donc, disons que je pense que, comme tu dis, ça va gagner beaucoup, là, avoir une meilleure compatibilité avec les cellulaires. Donc, Ford se classe encore bien. Le MyFord Touch était quand même encore déjà mieux, je trouve, que le Honda MyLink. Là. Oui, bien, sincèrement, de ce que j'ai pu constater jusqu'à maintenant, là, niveau nouvelle génération de système, Sync se classe très bien. Là. Tu sais, tu regardes Land Rover qui a encore un système qui a l'air presque archaïque versus ça, c'est Ford, là, c'est tout nouveau, tout beau. Là. Faut peut-être rappeler au monde que voiture haut de gamme ne veut pas dire système d'infodivertissement haut de gamme. C'est ça, non. Tu vas avoir un intérieur absolument fabuleux, puis un système d'infodivertissement qui ressemble à un vieux PC. Ouais. si je peux dire, là, tu sais, qui a l'esthétique d'un vieux PC. Ouais. Ouais. Des cartes de GPS granuleuses, puis une interface qui répond juste pas. Là. Ben, c'est la navigation difficile aussi, parce qu'il faut penser quand tu es en voiture, faut penser que le plus tu as de shortcut, le plus tu as de raccourcis pour naviguer, le mieux c'est, parce que tu veux pas non plus garder les yeux sur l'écran. Fait que tu veux pouvoir atteindre tes buts rapidement. Ouais, C'est pas tout à fait le cas. De ce que j'ai pu observer chez Land Rover puis Jaguar, on est encore un peu en retard là-dessus, là. Ils ont un petit bout de chemin à faire pour atteindre un niveau plus technologiquement acceptable pour 2015. je pense que le pire système que j'ai eu, c'était justement dans un Evoque. Juste le démarrage du système prenait. T'avais le temps littéralement de partir le camion, t'en aller, de décoller de chez vous, puis t'arrivais genre à ton premier stop, puis là, le système était prêt à utiliser. Puis changer d'une page à l'autre, ça avait l'air pénible. J'avais l'impression de voir le hamster courir en sueur dans sa roue pour essayer de faire marcher le système, tellement que c'était pénible. J'ai eu l'occasion, j'ai conduit le Discovery Sport cet été. Et écoute, je peux pas parler de la lenteur du système en soi. C'était pas aussi pénible que tu le décris. Je pense qu'ils ont eu des petites améliorations à ce niveau-là. Mais pour ce qui est de te retrouver, ne serait-ce que de te retrouver dans le système, c'est complètement autre chose. Ça prend, tu sais, faut s'arrêter là, faut être stationné quelque part, être assis là et prendre le temps d'explorer les menus parce qu'ils ont tellement, on dirait un ordinateur complet là. C'est plus juste des fonctionnalités. Tu peux tout contrôler via l'écran tactile, que ça soit l'audio, mais que ce soit aussi différentes fonctions de la voiture elle-même. C'est, écoute, ça en finit plus là, comment je peux dire, la généalogie, si tu veux, du système est incroyable là, tout ce que tu peux aller chercher, mais faut que tu t'y retrouves parce que ça prend, l'interface est pas très conviviale comme tu disais, puis ça prend plus de temps à s'y retrouver là, c'est certain. Ouais, faut noter aussi que la majorité du monde prendront pas le temps. Fait qu'il y a bien du monde qui vont juste pas l'utiliser puis le détester. C'est plate, là, mais c'est ça. Ouais, écoute, c'est sûr que quand t'es moins, peut-être quand tu es moins curieux de ces choses-là, que tu dis, ben moi, écoute, j'écoute juste la radio puis j'utilise le GPS, ben t'es moins porté peut-être à aller explorer ce côté-là. Mais moi, j'aime ça un peu me promener, voir ce que les systèmes ont à offrir, voir c'est quoi les différentes fonctions qui sont accessibles. Et comme de fait, ça peut être un peu ardu de s'y retrouver. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, dans le pire des pires, j'ai juste un mot à dire. Q. De Cadillac. C'est ça. On va en finir là. Donc, merci beaucoup, Sabrina, d'être venue nous parler de Sync 3. Si les gens veulent te lire, te contacter, ils peuvent faire ça comment? T'es sur Twitter? Ah, ben T'écris évidemment, Twitter. pour qui? T'écris où? Je sais que t'écris en anglais, t'écris en français. Oui, ben je fais un peu de tout en ce moment. Donc, évidemment, Twitter, évidemment, Facebook aussi. J'ai toujours mon site à moi qui est Une fille des chars, et on peut me trouver sous le même nom sur Facebook. J'ai aussi commencé à collaborer en anglais sur le site toautosense.com et sur oytime.com. Donc, deux sites évidemment anglophones. Mais sinon, si vous voulez lire du contenu en français, ben il y a toujours Une fille des chars qui est accessible. C'est bon, la plupart des gens sont capables de lire ou d'aller feuilleter un article en anglais. Sûrement. Puis au pire, il y a des belles photos. Moi, c'est ça, au pire. Il y a toujours des très belles photos, c'est ça. Fait que merci beaucoup d'avoir venu faire un tour sur cette émission. Puis, Plaisir. Merci de m'avoir reçu. t'as une porte ouverte. Quand ça te tente de venir faire un tour, tu m'envoies un petit message sur Twitter. Tu me dis, hey, ça me tenterait ou Ah, contacte-moi dès que j'ai jamais. des trucs intéressants à te raconter, je te le fais savoir. Ben, c'est parfait. Génial, je te remercie beaucoup, Luc. Merci à toi. Merci. Bye. Alors, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié cette petite entrevue. Si vous voulez me rejoindre, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Calazormo, aussi le compte du podcast auto qui est @podcastauto. Vous pouvez nous écrire à l'adresse courriel lepodcastauto@gmail.com. Puis vous pouvez aussi visiter notre site qui est podcastauto.ca. Vous pouvez aussi aller me lire sur le blog de Kijiji à frkijijiblog.ca. Là-dessus, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette émission du podcast auto, puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde!